بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Aujourd'hui, on est dans le cours numéro 13, si je ne me trompe pas, dans la série des durus de Al-Mulakhas Al-Fiqhi, le livre de fiqh du Cheikh Salih Al-Fawzan. Et on est arrivé au chapitre qui explique maintenant Babun fi adab al-mashi ila al-masjid ou ila al-salah, c'est-à-dire un chapitre dans la manière ou dans les étiquettes lorsqu'on marche en direction de la salat, comment on doit agir dans cette situation-là. Et donc on va commencer. Le cheikh il dit: أيها المسلم إنك بحاجة ماسة إلى معرفة الآداب المشروعة الآداب المشروعة التي تسبق الصلاة استعدادا لها، لأن الصلاة عبادة عظيمة ينبغي أن يسبقها استعداد وتهيئ مناسب ليدخل المسلم في عباد في هذه العبادة على أحسن الهيئات. Donc le cheikh il dit que toi le musulman, sache que tu as besoin de connaître les manières qui sont légales que tu dois utiliser lorsque tu te prépares pour aller vers la prière. Tu dois te préparer à la prière avant même d'entrer dans cette prière là. Et parce que cette ibada, cette adoration-là, elle est une ibada très grande, très importante. Et donc, il y a certaines manières ou certaines choses qu'on doit respecter pour se préparer physiquement et également spirituellement et également psychologiquement pour cette prière-là. Hein, pour être dans un état qui est convenable pour faire la prière. وليدخل المسلم donc pour entrer dans cette ibada dans la meilleure état possible. Le cheikh il dit: فإذا مشيت إلى الصلاة أو إلى المسجد لتؤدي الصلاة مع الجماعة ومع جماعة المسلمين فليكن ذلك بسكينة ووقار. Donc le cheikh il dit: lorsque tu marches pour te diriger vers la mosquée pour établir cette prière en groupe parmi les musulmans, alors il faut que tu le fasses alors que tu es en état de sérénité et de paix physiquement et également à l'intérieur de toi. Le cheikh dit: "Was-sakinatu hiya at-tama'nina wat-ta'anni fil-mashy wal-waqar ar-razana wal-hilm waghd al-basar wa khafd as-sawt wa qillatu al-iltifat." Donc ça veut dire que as-sakina, c'est d'être en sérénité, d'être en paix intérieure. Donc il faut être en paix intérieure et il faut y aller doucement, il faut marcher calmement. Il faut marcher avec calme. Il faut pas se précipiter et courir pour arriver à la prière. Si tu pries ou tu te précipites pour arriver à la prière, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, tu arrives dans la prière, ton cœur bat, tu es essoufflé. Et puis, en plus de ça, tu transpires. Donc, tu es dans un état vraiment déconcentré. En partant, tu commences ta prière sans le khushu nécessaire pour faire cette ibada comme il faut. Donc, déjà, tu as contredit Donc c'est comme je disais, lorsque tu te diriges donc vers la prière, tu dois être en état de sakina, soit en paix et posé à l'intérieur de toi-même. Et al-waqar, c'est-à-dire tu dois yani avoir une attitude également qui est disons une attitude posée, hein, et une attitude également yani disons de, c'est-à-dire tu dois pas commencer à tourner ta tête de gauche à gauche à droite, à parler à haute voix, etc. Tu dois être calme et donc avoir une attitude de respect, hein, envers yani cette ibada que tu te diriges yani pour aller l'établir. Donc tu dois être yani dans un état correct. Et le cheikh il dit wa warada fi sahihayn an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala. OK, là je comprends maintenant. D'accord. An an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala إذا أقيمت الصلاة وفي لفظ إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. D'accord. Donc ça c'est un hadith, la première partie de ce hadith est rapportée par Al-Bukhari et la deuxième est rapportée par Al-Bukhari et Muslim, et les deux c'est selon Abu Hurayra. Le cheikh il dit donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque vous entendez ou lorsque l'iqama est établie ou lorsque vous entendez l'iqama, alors marchez vers la prière alors que vous avez as-sakina, c'est-à-dire vous avez la tranquillité et vous avez la sérénité, dans un état de sérénité lorsque vous arrivez pour la prière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et si vous arrivez, donc vous êtes en train de vous diriger vers la prière et vous entendez l'iqama, alors dans ce cas-là marchez calmement, précipitez-vous pas parce que vous entendez l'iqama, marchez doucement avec la sérénité et le calme, et ce que vous réussissez à attraper de la prière vous le faites, et ce que vous manquez vous le complétez après que l'imam ait terminé la prière. Donc ça veut dire yani, il faut pas se précipiter, il faut pas s'énerver. La prière est commencée, vous l'entendez, l'iqama, mais il faut pas commencer à courir pour dire bon, je vais courir pour arriver à temps pour attraper toute la salat. Non, si tu n'es pas capable d'attraper toute la salat au complet, tu vas compléter la partie de la salat que tu n'es pas capable de faire avec l'imam, tu vas le faire tout seul, par la suite tu vas compléter ta prière. Il faut pas s'énerver pour ça. Sinon, tu rentres dans la prière, comme j'ai dit tout à l'heure, et tu es soufflé, tu transpires, tu as chaud, et puis tu as de la difficulté donc à reprendre ton souffle, et puis tu pries d'une façon qui n'est pas correcte, c'est-à-dire que tu n'es pas concentré dans ta prière. Ensuite, le cheikh il mentionne un autre hadith qui dit « وَرَوَى الْإِمَامُ مُسْلِمُ قَالْ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ يَعْمَدُ إِلَى الصَّلَاةِ فَهُوَ فِي الصَّلَاةِ أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة. C'est-à-dire l'un de vous, lorsqu'il se dirige vers la prière, c'est comme s'il est déjà dans la prière. Hein, lorsqu'il se dirige vers la salat, hein, il a l'intention de faire la salat, c'est comme s'il est déjà dans la salat, même s'il n'est pas dans la salat. Donc ça veut dire que t'as pas besoin de te précipiter puis de courir pour te dépêcher d'entrer dans la salat, puisque t'es déjà dans la salat. C'est comme si tu es déjà dans la salat. Donc le cheikh dit وَلْيَكُنْ خُرُوجُكَ أَيُّهَا الْمُسْلِمُ إِلَى الْمَسْجِدِ مُبَكِّرًا لِتُدْرِكَ تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ وَتَحْضُرُ الصَّلَاةَ مَعَ الْجَمَاعَةِ مِنْ أَوَّلِهَا وَقَارِبْ بَيْنَ خُطَاكَ فِي مَشْيِكَ إِلَى الْمَسْجِدِ لِتُكْثِرَ حَسَنَاتُكَ. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة ولم يخطو خطوة إلا رفعت به أو رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة. إيه نعم. Donc le cheikh il dit, lorsque tu sors pour la prière, Ô toi le musulman, eh ben, sors plus tôt, essaie de sortir tôt dans le but d'arriver à attraper le takbir, le premier takbir de l'imam, qu'on appelle takbira al-ihram. Et essaie d'être comme ça, si tu sors tôt, tu vas arriver à la salat, et tu vas prier avec la jama'a depuis le début. Donc tu vas pas manquer rien de la prière. Et c'est ça l'avantage de partir tôt, de quitter tôt. Et malheureusement, Allah musta'an, souvent on fait tout à la dernière minute. Et ça c'est une grave erreur. Il faut commencer à se préparer d'avance et à prendre de l'avance des fois. Et ça suffit pour qu'on soit en avance des fois de sortir 10 minutes ou 15 minutes plutôt que on le fait d'habitude. Et puis ça nous permet d'être au début puis d'arriver à temps. Parce qu'il y a des gens, à chaque salat, ils arrivent en retard. Et ils prient toujours 2 ou 3 rak'at tout seul après l'imam. Hein, parce qu'ils ont manqué le début de la prière. Et ça, c'est une, en fait, c'est une négligence. Et ça, c'est quelque chose qui est pas correct, en fait. On doit faire des efforts pour arriver à atteindre la mosquée, hein, durant le takbir de l'ihram, c'est-à-dire le premier takbir. Ok? Et donc, le cheikh, il dit, lorsque tu marches, essaie de rapprocher tes pas. C'est-à-dire, tu fais des plus petits pas pour essayer d'augmenter tes hasanat. Hein? Parce qu'il y a un hadith dans As-Sahihain qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abi Huraira qui dit que lorsque l'un d'entre vous fait son wudu et qu'il le fait comme il faut, qu'il le fait bien et qu'il sort pour aller vers la mosquée et que rien d'autre que la salat ne le fait sortir de chez lui, c'est-à-dire il sort pour aller vers la mosquée et rien d'autre ne le fait sortir que la salat, c'est-à-dire son intention est sincère et pure, juste pour établir la salat pour Allah, alors il n'y a pas un pas qu'il fait excepté que ça le fait monter d'un degré et que ça lui enlève un péché. Donc ça veut dire chaque pas que tu fais t'élève d'un degré et t'efface un péché. Donc ça veut dire plus de pas, plus que tu fais de pas, alors plus ça diminue tes péchés et ça augmente ton degré dans le paradis. Donc c'est quelque chose qui est important donc à prendre en considération, de faire le plus grand nombre de pas possible. Après le cheikh il dit فإذا وصلت باب المسجد فقدم رجلك اليمنى عند الدخول. Il y a des sahaba qui habitaient très loin et ils préféraient habiter loin de la mosquée pour pouvoir justement avoir plus de récompenses en arrivant à la mosquée que d'habiter près. Hein, donc c'est quelque chose qui est important d'essayer de profiter de ces hasanat qu'on néglige, hein, puis qu'on oublie parfois, c'est-à-dire des fois on a de la difficulté à concevoir ou à comprendre la grandeur des récompenses qu'on va recevoir si on applique ces différentes choses, mais au jugement dernier on aura l'heureuse surprise de trouver un grand paquet de bonnes œuvres qu'on n'avait pas fait ou bien qu'on avait fait, et puis on va retrouver ces hasanat et on va se demander mais comment on a fait autant de hasanat, et c'était justement du fait qu'on augmentait nos pas pour la prière, hein. Donc mashallah, il faut pas négliger le bien même si on voit pas le résultat dans cette vie, hein. On est tellement habitué de vouloir voir tout de suite nos résultats, et ben yani, il faut l'imaginer comme si on les voyait, mais même si on ne peut pas les voir au jugement dernier, on va les voir. Hein? Et notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, est rempli de miséricorde. Donc il nous récompense, et puis des fois la récompense est tellement énorme, on ne peut même pas imaginer. Ensuite, le cheikh il dit donc, lorsque tu arrives à la porte de la mosquée, mets ton pied droit en premier, lorsque tu rentres, et puis tu dis « Bismillah ». أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. Donc ensuite tu dis اللهم صل على محمد وافتح لي أبواب رحمتك وافتح لي أبواب رحمتك. Donc lorsque tu rentres dans la mosquée avec ton, tu mets ton pied droit en premier et puis tu dis ce dua, hein, qui est, ça, et ce doigt là ça signifie que lorsque tu rentres tu dis au nom d'Allah et que tu dis par la suite tu dis je cherche refuge en Allah subhanahu wa ta'ala le très grand et en son noble visage et en sa force contre le shaitan et en son autorité contre le shaitan rajim. Naam. Donc il mentionne une autre version de ce dua. Toutefois, il y a des ajouts que je ne connais pas dans ce dua ici. Donc peut-être qu'il faudrait vérifier dans Husnul Muslim, vous l'avez tous, la citadelle du musulman, il est mentionné là-bas. Toutefois ici, je ne sais pas, il n'y a pas de référence mentionnée. Donc peut-être qu'il y a des ajouts qui ne sont pas authentiques là-dedans, mais il faut vérifier. Cheikh, il dit donc: Oh Allah, envoie ton salut et tes prières sur ton prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Oh Allah, pardonne-moi mes péchés et ouvre-moi les portes de ta miséricorde. Donc quand tu rentres, tu dis ça. Et lorsque tu sors, wa idha aradta al-khuruj, faqaddim rijlaka al-yusra wa qul ad-du'a alladhi qultahu 'inda ad-dukhul wa taqul badala waftah li abwaab rahmatik waftah li abwaab fadlik. وذلك لأن المسجد محل الرحمة وخارج المسجد محل الرزق وهو فضل من الله. Donc le cheikh dit, lorsque tu veux sortir de la mosquée, mets ton pied gauche en premier pour sortir, hein, parce que c'est la règle. Lorsqu'on rentre quelque part, on rentre toujours avec le pied droit, et lorsqu'on sort, on sort toujours avec le pied gauche, excepté lorsqu'on va aux toilettes. Aux toilettes, c'est le contraire. On rentre avec le pied gauche et on sort avec le pied droit. Et le cheikh, il dit que lorsqu'on sort de la mosquée, on fait le même dua, hein, sauf que on dit, au lieu de dire Allahumma ftahli abwaab rahmatik, on dit pas ça, on dit Allahumma inni as'aluka min fadlik. Oh Allah, je te demande de ton fadl, c'est-à-dire de tes grâces, hein. Et le cheikh, il dit que la raison de ça, c'est parce que la mosquée, c'est l'endroit de la miséricorde, hein, et l'extérieur de la mosquée, c'est l'endroit où on trouve le risque, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a destiné. Donc c'est l'endroit où il y a la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord. Donc dans ce cas-là, c'est le cheikh dit, c'est pour ça qu'on dit ce doigt-là en sortant. D'accord. Ensuite le cheikh dit: wa idha dakhalta al-masjid fala tajlis hatta tusalli rak'atayn tahiyyat al-masjid لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. C'est un hadith rapporté par Al-Bukhari Muslim selon Abi Qatada. Et ce hadith, il dit, le cheikh dit, lorsque tu rentres dans la mosquée, ne t'assois pas avant d'avoir prié deux rak'at comme salut pour la mosquée. Et ça, c'est basé sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que j'ai dit, qui est rapporté par le Bukhari et Muslim selon Abi Qatada, qui dit que lorsque l'un d'entre vous rentre dans la mosquée, qu'il ne s'assoit pas avant d'avoir fait deux rak'a. Donc quand tu rentres, tu t'assois pas tout de suite, tu fais deux rak'a en premier. D'accord. Et bien entendu, si tu rentres et que tu trouves que les gens sont en train de prier, eh ben tu n'as pas besoin de faire tahiyatul masjid, parce que ton tahiyatul masjid sera considéré comme faisant partie de la salat que tu vas faire, c'est-à-dire la prière obligatoire, ce sera ton salut de la mosquée en même temps. D'accord. Ensuite, le cheikh dit: ثم تجلس وتنتظر الصلاة ولتكن حال جلوسك في المسجد لانتظار الصلاة مشتغلا بذكر الله وتلاوة القرآن وتجنب العبث كتشبيك الأصابع وغيره. فقد ورد النهي عنه صلى الله عليه وسلم في حق منتظر الصلاة. فقد ورد النهي عنه في حق منتظر الصلاة. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن فإن التشبيك من الشيطان. الشيخ يجي lorsque tu rentres dans la mosquée, par la suite, lorsque tu as fini de faire tahiyatul masjid, qu'est-ce que tu fais? Tu t'assois et tu attends la prière. Et le cheikh, il dit que il faut que le moment que tu vas rester à attendre assis dans la mosquée pour la prière soit rempli de zikr. Hein, tu l'utilises, ton temps, et tu prends ton temps, le temps que tu as pour attendre la prière, tu l'utilises pour te rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour réciter le Coran, hein, et tu Reste pas là assis les doigts croisés comme on dit là. Hein, tu fais pas des choses de perdre, tu perds pas ton temps rester assis à rien faire. Et il a mentionné le fait de croiser les doigts, yani, hein, de rentrer les doigts les uns dans les autres, dans les mains, on appelle ça tashbik, hein. C'est-à-dire tu rentres tes doigts dans les autres, dans les deux mains ensemble, et puis les doigts croisés à l'intérieur là. Et il dit que le cheikh dit que tu fais pas ça parce qu'il y a une interdiction qui a été rapportée à ce sujet-là, au sujet de la personne qui attend la prière. Donc lorsque tu attends la prière, tu ne dois pas mettre tes doigts ensemble. Le hadith qui est rapporté, il dit: lorsque l'un d'entre vous est dans la mosquée, alors qu'il ne croise pas ses doigts, hein, parce que ça vient du shaitan. Quand je dis croiser ses doigts, c'est-à-dire tu entres une main dans l'autre et les doigts un dans l'autre, disons là, les doigts, je sais pas comment on appelle ça en français, mais le cheikh il dit que ça sera rapporté par Ahmed selon Abi Saïd et Ibn Abi Shayba dans As-Salat, et également Al-Haythami l'a mentionné dans Majma' al-Zawaid, et c'est une isnad qui est sahih. Qui est Hassan selon Al-Haythami. Donc il faut vérifier. Et puis ensuite le cheikh il mentionne, il dit: wa amma man kana fi al-masjid li ghayr intidhar as-salah fala yumna'u min tashbik al-asabi' faqad thabata anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam shabbaka asabi'ahu fi al-masjid ba'dama sallama min as-salah. D'accord. Donc le cheikh il dit, en ce qui concerne par la suite, lorsque tu n'es pas en train d'attendre la salat, alors il n'y a pas d'interdiction de croiser tes doigts ou de mettre tes doigts ensemble, car ça a été rapporté authentiquement du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a croisé ses doigts ensemble dans la mosquée après avoir fait le taslim, c'est-à-dire après avoir terminé de faire la salat, il a croisé ses doigts ensemble. Donc ça prouve que c'est permis de croiser les doigts ensemble lorsqu'on n'est pas en train d'attendre la salat, d'accord. Et ça c'est rapporté dans un hadith qui est selon Abi Huraira dans Al-Bukhari, et à l'origine il est dans Sahih Muslim, sauf que dans la version de Muslim il n'y a pas la mention des doigts croisés ou des doigts ensemble, entrelacés, disons, peut-être on pourrait dire ça, entrelacés. Donc il n'y a pas cette mention, mais dans le Bukhari c'est marqué, c'est mentionné. Ensuite le cheikh il dit: wa fi hal intidharika ou intidhar as-salah fi al-masjid la takhud fi ahadith ad-dunya li annahu ruwiya fi al-hadith anna dhalika ya'kulu al-hasanat kama ta'kulu an-nar al-hatab wa qad warada fi al-hadith الآخر أن العبد في الصلاة ما دام ينتظر الصلاة والملائكة يستغفر له أو تستغفر له. Donc le cheikh il dit que lorsque tu attends dans la mosquée, tu attends la salat, ne rentre pas dans des discussions sur les choses de la dunya, parce que il dit que ça a été rapporté dans un hadith que ça, lorsque tu fais ça, ça mange les hasanat que tu fais comme le feu brûle le bois. Et il y a une note ensuite en bas qui dit que ça n'a aucun fondement, et que Al-Iraqi il a dit dans Takhrij al-Ihya qu'il ne l'a pas, il n'a pas trouvé aucun fondement à cette parole. Et également Ibn Subki dans Tabaqat al-Shafi'iyya il a dit qu'il n'a pas trouvé d'isnad même à cette histoire là et Al-Albani il dit dans Silsilat al-Ahadith al-Da'ifa il dit que ça n'a pas de fondement, c'est-à-dire c'est même pas un hadith. Donc ça c'est pas fondé par contre, ok. Ensuite l'autre partie il dit que donc qu'est-ce qui est pas fondé, pour clarifier, c'est que si tu parles des choses de la dunya dans la mosquée, ça va brûler tes hasanat comme le feu brûle le bois, ça c'est pas fondé, d'accord. Ensuite j'ai dit que c'est mentionné dans un autre hadith par contre, et ça c'est authentique, rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abi Huraira, que la personne, elle est dans la prière, c'est-à-dire c'est comme si elle était dans la prière jusqu'à ce qu'elle commence à faire la prière. C'est-à-dire quand la personne est assise, elle attend la prière, hein, les anges demandent pardon pour cette personne, et c'est comme s'il était déjà dans la prière en attendant. D'accord? Donc il a la récompense d'une personne qui est en train de prier. فلا تفرط أيها المسلم في هذا الثواب وتضيعه وتضيعه بالعبث والاشتغال بالقيل والقال. D'accord. Donc il dit oh toi musulman, يعني essaie de pas gaspiller cette grande récompense là en perdant ton temps à parler de choses inutiles, يعني القيل والقال, un a dit, l'autre a dit, etc. Il y a des gens qui rapportent juste les paroles. C'est sûr que la mosquée, c'est un lieu établi pour faire la salat et le dhikr et les choses de le rappel d'Allah. Donc, c'est normal qu'on ne doit pas commencer à rentrer dans toutes sortes de discussions futiles, hein, et perdre notre temps à discuter de façon inutile. Donc il faut profiter de notre temps lorsqu'on est dans la mosquée pour adorer Allah comme il faut, etc. Ensuite, le cheikh il dit: وَإِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةِ فَقُمْ إِلَيْهَا عِنْدَ قَوْلِ الْمُؤَذِّنِ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةِ لِأَنَّ النَّبِيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ وَإِنْ قُمْتَ عِنْدَ بَدْءِ الْإِقَامَةِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَهَذَا إِذَا كَانَ الْمَأْمُومُ لا يرى الإمام pardon هذا إذا كان المأموم يرى الإمام فإن كان لا يراه حال الإقامة فالأفضل أن لا يقوم حتى يراه. Donc le cheikh il dit que lorsque la prière est établie, alors lève-toi lorsque l'imam dit قد قامت الصلاة, parce que le prophète صلى الله عليه وسلم faisait ça. Mais si tu te lèves depuis le début de l'iqama, il n'y a pas de problème, c'est pas grave. Et il dit ensuite, et ça c'est si tu vois l'imam, hein, parce que si tu le vois pas, c'est-à-dire si tu vois pas l'imam lorsque l'iqama est commencé, alors le mieux c'est d'attendre pour te lever au moment où tu vois l'imam. D'accord. Donc ça c'est qu'est-ce que le cheikh a dit. Ensuite, il dit, أيها المسلم احرص أن تكون في الصف الأول فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. متفق عليه. Ça c'est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, c'est un hadith qui est authentique. Selon Abi Huraira, le cheikh il dit, fais des efforts, hein, et fais des efforts pour arriver au premier rang dans la prière. D'être dans le premier rang, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si les gens savaient ce qu'il y a de récompense dans l'appel et dans le premier rang, eh ben, ils n'auraient pas trouvé d'autre chose à faire pour arriver à atteindre ce premier rang-là, excepté de faire des tirages au sort, c'est-à-dire des tirages au sort pour savoir lequel va arriver à prendre une place dans le premier rang. Tellement qu'il y a de grandes récompenses là-dedans, c'est ce que la situation demanderait qu'on fasse des tirages au sort pour savoir qui pourrait arriver ou qui pourrait avoir le privilège d'être dans le premier rang. Donc c'est pour nous inciter en réalité à faire des efforts pour être dans le premier rang, pour savoir l'importance et la valeur de ça et la grandeur de ça. Wa qala sallallahu alayhi wa sallam khayru as-sufuf ar-rijal awwaluha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le meilleur rang pour les hommes c'est le premier. Ça c'est rapporté dans un hadith selon Abi Huraira par l'imam Muslim. Ensuite il dit wa hris ala al-qurb min al-imam. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وليليني منكم أولو الأحلام والنهى. C'est-à-dire que le prophète صلى الله عليه وسلم dit en fait le cheikh il dit soit fais des efforts pour être le plus près de l'imam possible, c'est-à-dire de te mettre derrière l'imam, hein, dans le premier rang. Et le cheikh il dit ça, c'est basé sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui disait que les, ça c'est rapporté par Muslim selon Abdullah ibn Mas'ud, ça dit que les gens qui soient derrière moi soient ceux qui sont parmi les gens qui ont de la connaissance et qui ont yani, de la bonté, etc., les bonnes qualités, yani. Et le cheikh il dit ça, et c'est pour donner, c'est pour savoir aussi que la personne qui doit être derrière l'imam, c'est bon que ce soit une personne qui a également de la connaissance du Coran. Comme ça, si par exemple l'imam se trompe durant la salat, hein, ou bien par exemple il fait une erreur dans la récitation du Coran, ou bien par exemple il a un malaise ou quelque chose qui fait en sorte que par exemple il peut plus continuer à diriger la prière, eh ben quelqu'un va pouvoir prendre sa place durant la prière. Par exemple, si quelqu'un supposons que l'imam perd son wudu durant la salat, s'il y a des gens derrière lui qui sont des gens qui ont de la connaissance au sujet des règles de la prière, etc., eh ben ils vont pouvoir savoir quoi faire et comment venir pour continuer la prière. Également, si l'imam se trompe dans un verset dans le Coran, ou si il est bloqué quelque part, la personne qui est derrière, si elle a la connaissance du Coran, eh ben elle pourra le corriger, elle pourra lui donner le verset qu'il a oublié, etc., et le corriger. Tandis que si yani, les gens qui sont derrière lui n'ont pas de ilm, etc., donc dans ce cas-là, yani, disons que ce sera plus compliqué dans ce cas-là des fois pour corriger l'imam, parce que c'est des gens qui vont être plus loin, qui vont crier, et puis etc., donc des fois c'est pas clair. Donc c'est les gens qui ont al-hilm, hein, le cheikh il dit ulul ahlam, les gens qui ont al-hilm, c'est-à-dire qui ont une maîtrise d'eux-mêmes, qui sont patients, qui sont indulgents, qui ont de la bonté, etc., qui sont sages, qui ont de la raison. Donc ça c'est des significations de l'hilm, d'accord. Et an-nuha, c'est-à-dire qui sont raisonnables, qui sont intelligents, c'est des gens raisonnables et qui ont de la connaissance également, bien entendu. Donc le cheikh il dit hada bin nisbati lirrajul, c'est ça concerne les hommes bien sûr, parce que pour les femmes le cheikh il dit amma bin nisbati lilmar'a fas-saffu al-akhir min sufuf an-nisa afdalu laha لقوله صلى الله عليه وسلم خير صفوف النساء آخرها لأن ذلك أبعد لها عن رؤية الرجال. Donc le cheikh il dit que ça c'est pour les hommes. Toutefois pour les femmes le dernier rang c'est le meilleur. C'est le meilleur des rangs pour la femme. Parce que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit le meilleur des rangs pour la femme c'est le dernier. Les derniers rangs, c'est-à-dire ceux qui sont plus derrière. Et ça veut, le cheikh il dit la raison de ça c'est parce qu'elle est plus loin et qu'elle ne voit pas les hommes dans ce cas là donc c'est mieux, et également que les hommes ne la voient pas s'il n'y a pas de séparation. Donc le cheikh il dit وَيَتَأَكَّدُ فِي حَقِّ الْإِمَامِ وَالْمُصَلِّينَ الْإِهْتِمَامُ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ قَالَ صلى الله عليه وسلم سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ متفق عليه. Donc ça c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le cheikh il dit que c'est très important pour l'imam et pour les gens qui prient derrière lui de donner une importance grande au fait de mettre les rangs droits dans la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait avant de commencer la prière, il disait Sawu sufufakum, c'est-à-dire mettez vos rangs égaux et droits, hein, égalisez les rangs pour que tout le monde soit en ligne droite, pour pas qu'il y ait des rangs qui sont courbés ou croches, ou qu'il y ait des espaces ou des trous dans le rang. Ensuite, le cheikh il dit wa fil hadith al-akhar la tusawunna sufufakum aw la yukhalifanna Allah bayna qulubikum aw bayna wujuhikum. وتسوية الصفوف هي تعديلها بمحاذاة المناكب والأعكب والأعكب. Donc le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith vous allez mettre vos reins droits ou bien Allah subhanahu wa ta'ala va vous diviser entre vos visages, c'est-à-dire il va vous diviser vos cœurs, hein. Donc si on met pas nos reins droits, Allah subhanahu wa ta'ala va diviser nos cœurs. Et donc ça c'est la situation qu'on a déjà décrit parfois parmi la réalité de qu'est-ce qu'on est en train de vivre nous dans la situation actuelle, que les musulmans sont souvent divisés et à cause du fait justement qu'ils ne peuvent pas se réunir et disons redresser leurs rangs, hein. Et la réalité des rangs, quand on regarde les rangs dans les mosquées, comment les gens se mettent en rang, ça reflète beaucoup de la réalité de notre situation actuelle, du fait qu'on est toujours croche, toujours séparé et mal aligné dans les rangs. Et donc ça montre une mauvaise image de la réalité de nos cœurs en réalité. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il insistait tout le temps pour dire aux gens, mettez vos rangs droits, ne laissez pas d'espace entre vous, hein. Comme le cheikh il dit, ويتأكد في حق المصلين سد الفرج والتراص في الصفوف لقوله صلى الله عليه وسلم أقيموا صفوفكم وتراصوا رواه البخاري. Ça c'est rapporté par al-Bukhari. Donc le cheikh il dit que la façon dont on doit redresser les reins et les égaliser, c'est qu'on met l'épaule avec l'épaule de l'autre personne qui est à côté de nous et le pied avec le pied, le talon avec le talon, d'accord. Donc ça c'est une des manières qu'on peut réussir à redresser le rang dans la prière, et ça c'est valable pour les hommes et pour les femmes, le mettre les lignes droites et de prier en rang droit. Souvent, yani, subhanallah, yani, j'ai ma mère qui m'a rapporté souvent que dans les sections où les femmes prient ensemble, elles ne mettent jamais les rangs droits et elles ne se collent jamais, c'est-à-dire elles laissent toujours des espaces entre elles. Et ça c'est contraire à la sunna. Les femmes autant que les hommes doivent égaliser et redresser leurs rangs. Et ça c'est fondamental, ça fait partie de la sunna, c'est très important. Et comme le professeur Hassan m'a dit, yani, vous allez égaliser vos rangs, ou bien sinon Allah va diviser entre vos visages ou bien va diviser entre vos cœurs. Donc ça veut dire il faut que les femmes et les hommes, et les femmes en particulier parce que ça, c'est quelque chose qui est négligé parmi elles, qu'elles savent comment se mettre en rang droit durant la salat et qu'elles ferment tous les espaces, hein, entre les rangs. Il faut pas qu'il y ait des trous entre les personnes. Il faut que les gens se collent le talon avec le talon et les épaules avec les épaules, hein. Il faut pas qu'il y ait des espaces vides entre les personnes qui prient dans le rang. D'accord. Et ça montre souvent le fait que yani Allah musta'an, je sais pas comment expliquer ça, mais on dirait que c'est quelque chose de tellement compliqué parfois alors que c'est tellement simple. Et lorsque je priais dans une des mosquées aux États-Unis, eh ben mashallah, les frères là-bas, ils avaient vraiment une bonne organisation pour la prière. C'est que lorsqu'il disait aux gens stow i'tadilou, hein, saw sufufakum, c'est-à-dire il regardait le premier rang, il sortait jusqu'à la fin de la ligne et là il regardait par derrière est-ce que tous les dos des gens étaient égaux, hein. Donc c'est-à-dire il regarde les rangs du début jusqu'à la fin et il regarde est-ce que tous les dos des personnes sont à égalité dans le rang, hein. Donc on voyait que les gens donnait une grande importance à ça. Et parfois même, dans chaque rang, il y a un frère qui était, disons, responsable, ou bien pas qui était responsable, mais qui se mettait à la fin de la ligne, au bout du rang, et qui regardait le rang pour savoir s'il était droit ou non. Et là, il voyait que quelqu'un dépassait, quelqu'un sortait du rang, ou qu'il y avait quelque chose qui n'était pas droit dans le rang, tout de suite, il allait, il le corrigeait. et l'imam commençait pas la prière tant que les rangs, tous les rangs étaient droits. Et quand un frère avait terminé, par exemple, de vérifier un rang, il levait sa main pour dire à l'imam, ça y est, ce rang-là, il est correct. Hein? Et là, on voyait que l'imam commençait à faire la salat. Il commençait pas à faire la salat tant que tous les rangs n'étaient pas redressés. Et bien entendu, il n'y avait pas de ligne par terre. Parce que ça, également, de faire des lignes et de mettre des collants par terre pour diviser les lignes, et bien ça, ça montre la paresse de certains, yani, de ne pas vouloir établir cette sunna et de redresser les rangs. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent des lignes par terre pour, yani, que les gens se mettent dessus. Au lieu de prendre le ajr, hein, la récompense de faire un effort d'établir cette sunna et de redresser les rangs. Parce que ces lignes-là, en fait, qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte que si on est dans un endroit où il n'y a plus de lignes, on n'est plus capable de se mettre en rang, parce qu'il n'y a pas de lignes. Hein? Donc, lorsqu'on a pris l'habitude de se redresser ensemble et de se mettre droit, même quand il n'y a pas de lignes, comme le professeur Al-Salam faisait à son époque, eh bien, on voit que là, maintenant, on a pris l'habitude de se redresser et de se mettre en rang. Alors, quelque chose par la suite est facile, c'est plus facile. Tandis que si on n'est pas habitué de le faire, eh bien là, yani, ça va toujours être un problème. Et le cheikh, il dit, voyez, ta'akkad, donc, pour les gens qui sont dans la prière, c'est nécessaire pour eux de fermer tous les espaces, hein, suddul furaj, wa tarassu. Ça veut dire, tarassu, ça veut dire quoi? De se coller un à côté de l'autre, d'être collé complètement à côté de la personne qui est près de nous et de pas laisser des espaces vides. Aqimu sufufakum wa tarassu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, établissez vos rangs et collez-vous les uns avec les autres. Le cheikh dit, ma'nahu lasiqu as-sufuf hatta la yakuna baynakum furaj. C'est-à-dire, collez vos rangs pour qu'il n'y ait pas entre vous aucun espace vide. Wal murassatu iltisaqu ba'd al-ma'mumin bi ba'd li yasil ma baynahum. وينسد الخلل فلا تبقى فروجات للشيطان. Donc le cheikh il dit que al-murassa, ça veut dire de se coller, que chaque personne qui est dans le rang se colle à côté de la personne qui est à côté de lui pour fermer les espaces et les rangs, pour que tout soit connecté, d'accord, et qu'il n'y ait pas d'espace vide entre les personnes. Et donc le cheikh il dit, pour pas qu'il n'y ait d'espace pour le shaitan, parce que les espaces qu'il y a entre nous, c'est en réalité des espaces pour le shaitan. Et comme on rentre dans certaines mosquées parfois et on voit que les gens, on dirait qu'ils essaient de s'éloigner le plus possible les uns des autres, comme si un a peur de toucher à son frère. On dirait que yani, ils ont peur qu'il y ait, je sais pas moi, la lèpre ou quelque chose comme ça. Donc si tu te rapproches d'une autre personne, tu vois l'autre personne qui s'éloigne. Si tu essaies de coller ton pied à côté de l'autre, tu vois que l'autre éloigne son pied. On dirait qu'il y a un problème dans la mentalité de certaines personnes, Allah musta'an, peut-être c'est à cause du fait qu'ils ne connaissent pas cette sunna. Donc étant donné qu'ils ne la connaissent pas, ils s'éloignent de l'appliquer. Et il y en a d'autres, c'est dû justement au fait qu'ils ont appris ce qui est contraire à la sunna, du fait qu'ils pensent que de se coller les pieds, ça amène une déconcentration, etc., je ne sais pas quoi. Et on voit ça souvent dans les mosquées des gens qui sont avec Jamaat Tablir parfois, qui ne collent pas leurs pieds ensemble. Et ici à Montréal, c'est ça. On rentre dans certaines mosquées, on trouve que les gens s'écartent les uns des autres. Et c'est souvent justement ces gens-là qui ont ces traditions de suivre la bid'a des Jamaat Tablir. Ensuite, le cheikh dit, وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بتسوية الصفوف والتراص المأمومين فيها اهتماما بالغا مما يدل على أهمية ذلك وفائدته وليس معنى رص الصفوف ما يفعله بعض الجهال اليوم من فحج الرجلين حتى يضايق من بجانبه لأن هذا العمل يوجد فرجا في الصفوف ويؤذي المصلين ولا أصل له في الشرع فينبغي للمسلمين الاهتمام بذلك والحرص عليه اقتداء بينه بنبيهم صلى الله عليه وسلم وإتماما لصلاتهم وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. Donc le cheikh il explique ici et il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait une très grande importance à établir les rangs et à ce que les gens soient collés dans la prière. Hein? Et il disait que le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne une grande importance à cette chose-là, ça montre en fait son importance. Ça montre en fait son grande importance et le bienfait qui vient de le faire et de l'établir. Ensuite, il disait également que la signification d'établir les rangs, yani, ça ne veut pas dire ce que certains musulmans aujourd'hui sont en train de faire parfois. Il mentionne le fait que certains musulmans, qu'est-ce qu'ils font? Ils écartent leurs pieds très grands. Ils font un très grand espace, disons, dans leurs pieds. Ils écartent leurs pieds très très larges, hein, durant la prière. Et ils s'imaginent que c'est pour coller les rangs ou bien pour fermer les rangs. Par exemple, justement, ça arrive souvent quand tu vois que tu pries à côté d'une personne et que la personne, elle s'écarte, elle s'éloigne. Donc toi, pour rattraper cette personne ou bien pour te rapprocher encore, tu vas ouvrir encore plus tes pieds pour essayer de fermer l'espace. Et en faisant ça, ben ça fait un déséquilibre, un débalancement, et donc on n'est plus capable par la suite de fermer les reins. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut pas faire un espace trop grand entre nos pieds, hein, une distance raisonnable, normale. Et il faut apprendre aux gens qu'ils doivent se coller entre eux et ils ne doivent pas faire des espaces. Donc, pas besoin d'écarter les pieds. Et si tu trouves, par exemple, que tu pries à côté d'une personne et que tu vois que cette personne, elle s'écarte de toi ou bien elle décolle ses pieds, eh ben, perds pas ton temps à essayer de... comme certains, parfois, des frères, ils sont un petit peu énervés quand on voit des choses comme ça. Ça, des fois, ça nous choque, ça nous fâche. Donc, il force la personne, il dit « colle-toi » ou des choses comme ça, et puis ça crée de la fitna des fois avant la prière. C'est mieux de laisser faire ça, hein, si la personne elle le fait pas, laisse faire. Toi tu fais ta prière comme il faut, et puis après la prière, tu pourras expliquer à la personne, par exemple, « mon frère, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de coller nos pieds et de pas laisser d'espace entre nous, et ça s'est établi dans la sunna. » Hein, selon des hadiths authentiques, etc. Et là, tu peux lui donner l'explication et les notes, hein, et puis tu peux lui montrer que, et donc, qu'est-ce qu'il a fait, c'est contraire à la sunna, et qu'il ne doit pas se décoller de son frère durant la prière, etc., etc. Donc, ça, c'est mieux d'attendre après la prière que de s'énerver avant la prière, et puis que tu pries, et que durant toute ta prière, tu es déconcentré parce que tu es en train de penser à, justement, l'énervement que tu viens d'avoir à cause de cette personne qui est là à côté de toi et qui contredit la sunna. Donc, utiliser la hikmah dans ces situations-là et de savoir quand remettre à plus tard une explication qui va pouvoir être faite d'une façon plus complète, parce que là tu es pressé, parce que la prière va commencer, donc tu veux te dépêcher à dire quelque chose. Alors c'est mieux d'attendre après, puisque là tu vas pas avoir le temps de le faire comme il faut, et puis tu l'expliques clairement pour la personne par la suite, inshallah. Donc ensuite le cheikh il dit que le fait d'écarter les pieds comme ça, comme certains font là, de faire un grand espace entre leurs pieds pour soi-disant coller les reins, mais là ça c'est pas correct et ça dérange les gens qui prient. Et il n'y a pas de fondement, il n'y a pas de base à ça. Donc c'est important pour le musulman de se concentrer là-dessus, de faire des efforts pour arriver à faire les rangs droits, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a établi ça, et donc on fait ça pour suivre son exemple et pour compléter, pour parfaire notre prière On demande à Allah qu'il nous donne à tous le tawfiq pour d'atteindre qu'est-ce qu'il aime et qu'est-ce qu'il agrée. Et également, il y a un point que je voudrais mentionner, c'est que si par exemple on est dans un rang et que par exemple devant nous il y a un espace, eh bien on peut avancer pour fermer ce rang-là, hein, et boucher le rang. C'est-à-dire, même si on est dans la salat et qu'on trouve que il y a un espace vide, hein, qui se présente devant nous, eh bien c'est correct de faire un pas ou de faire quelques pas puis d'avancer pour aller fermer ce rang-là. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Je pense que tout ce qui avait à être mentionné a été mentionné. On va continuer demain, inshallah. Demain, qu'est-ce qu'on va expliquer, bismillah, c'est qu'est-ce qui a rapport avec les piliers de la prière, les obligations et les sunan, c'est-à-dire les choses qui sont des piliers de la prière, c'est-à-dire que si tu le fais pas, ta prière n'est pas valable, les obligations et les choses recommandées dans la prière. On va expliquer ces trois choses-là, et puis inshallah on va essayer de clarifier ça le plus possible. Et puis en passant, je voulais juste mentionner une chose, c'est que j'ai donné le email la semaine passée, puis donc j'ai donné le email aux frères et aux sœurs juste pour qu'ils puissent par exemple m'envoyer un email pour me donner une nasiha ou bien pour me rappeler quelque chose ou bien pour me poser une question sur des choses que je pourrais répondre. Mais comme je dis, bon, à la base le mieux c'est de retourner. Si vous avez des questions, essayez de les poser à ceux et à des ulama que vous connaissez, si vous êtes capable de les appeler. Toutefois, si c'est des questions générales ou bien des clarifications de qu'est-ce que j'ai expliqué qui n'ont pas été expliquées clairement, ou bien qu'il y a des choses qui n'ont pas été correctement expliquées, dans ce cas-là, vous pouvez me le faire connaître, vous m'envoyez ça par email, et puis moi je vais voir ce que je peux faire. De toute façon, la base c'est que on parle pas excepté de ce qu'on connaît. Et si on connaît quelque chose, on le dit. Et si on connaît pas, on le dit pas. Il n'y a rien de plus compliqué. Il n'y a rien de plus simple que ça, en réalité, dans les questions de l'islam. Et souvent, on voit que des frères et des sœurs, ils se disputent au sujet de la religion. Ils commencent à faire des débats entre eux, puis des argumentations. Ah non, tel cheikh a dit ça. Non, tel cheikh a dit ça. Tel livre dit ça, ils commencent à se faire des disputes dans la religion. Comme si l'islam et la connaissance de l'islam, c'était uniquement là pour qu'on se dispute entre nous et qu'on commence à faire des compétitions dans l'ilm, pour savoir lequel connaît plus, lequel connaît pas plus. Et ça, c'est pas pour ça qu'on doit apprendre. C'est pas ça le but qu'on doit avoir en étudiant l'islam. Le but qu'on doit avoir quand on étudie l'islam, c'est premièrement d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, d'être capable d'appliquer notre religion comme il faut, d'adorer Allah comme il veut qu'on l'adore. Donc premièrement c'est l'ikhlas, d'avoir la sincérité en Allah subhanahu wa ta'ala, d'apprendre notre religion pour lui. Et deuxièmement, pour essayer aussi de clarifier si c'est possible, d'enseigner aux autres si c'est possible. Et puis, bien entendu, il faut éviter toute dispute et différence dans la religion. Si quelqu'un n'est pas d'accord avec nous sur quelque chose de la religion, eh bien, on retourne aux ulama, on retourne aux explications des ulama, et bien entendu, on va essayer de trouver la compréhension de qu'est-ce qu'on n'a pas compris ou pour quelles raisons on n'est pas d'accord. D'accord? Mais il y a des gens, bon, qui prennent la religion comme un sujet de dispute et comme un sujet de débat, et qui veulent disputer chaque point et débattre chaque point, et ça c'est mauvais, c'est pas correct. Ça amène la division, ça amène les problèmes entre nous. C'est pas comme ça la religion. Le but c'est de comprendre et clarifier. Et si on regarde les ulama entre eux, comment ils agissent, quand deux parmi les ulama ont deux positions différentes, comment ils agissent entre eux, hein? Est-ce qu'ils vont agir comme nous, on agit entre nous? Alors que ce sont des ulama, on voit leur comportement lorsqu'ils ont un désaccord. Et là, moi, bien entendu, je parle entre salafis, c'est-à-dire un salafi avec un autre. Bien entendu, si ce sont des gens de bid'ah, et qu'il rejette des choses établies dans la sunna, ou bien qu'il refuse d'établir des choses qui sont claires dans la sunna après avoir su, après avoir eu la connaissance, ou bien qu'ils veulent pratiquer des choses qui sont contraires à la sunna, eh bien pour eux, ça c'est autre chose. On n'a pas à débattre avec eux non plus. On leur établit la preuve et puis on les laisse. On ne rentre pas dans des débats et des discussions avec des gens qui ne veulent pas accepter la vérité. Hein? Donc on clarifie les choses, on donne le hadith, on donne le dalil et puis c'est fini. On ne rentre pas dans des débats. Et eux, ils vont rentrer dans des choubouhats et tout ça, donc ça ne vaut même pas la peine. Ça vaut même pas la peine de perdre notre temps si la personne est obstinée. D'accord? Donc ça, c'est un rappel. Et comme je vous dis, yani, moi, je suis un petit talib, minime, yani, petit, tout minuscule, comme on dit. Et puis, c'est ça ce qui se passe. La réalité de nous, les frères, qu'on a étudiés à Médine, on connaît la réalité de notre ignorance. On connaît la réalité de notre ignorance. Du sens que on a côtoyé des imams, on a côtoyé des ulamas, dans le sens qu'on a vu la grandeur de notre ignorance à côté de ces hommes-là. Et maintenant, en particulier ceux d'entre nous qui viennent de l'Occident, c'est-à-dire ceux d'entre nous qui sont partis là-bas en ne connaissant même pas rien du tout, même pas l'arabe, rien. On arrive là-bas et on commence à apprendre à zéro. Et qu'on trouve des élèves à côté de nous, des professeurs, des chouyours, qui sont très très avancés dans l'ilm. Et là, on voit la différence. Et quand on revient ici, en Occident, ou en France, ou en Amérique, eh bien, on est parmi des musulmans qui ont encore moins de connaissances que nous. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour eux, ils vont considérer qu'on est des gens qui ont beaucoup de connaissances. Alors qu'en réalité, on est vraiment des gens qui, yani, on est des gens vraiment simples, débutants dans la connaissance de l'islam. On n'est pas plus savant que ça. On n'a pas atteint un niveau, disons, de connaissance qui nous permet, yani, d'établir des fatawas ou des choses comme ça. Et même si quelqu'un a complété 4 ans à l'université islamique de Médine, il n'est pas un alim quand il termine ses études. Et même s'il a un doctorat, il n'est pas un alim quand il termine ses études. Yani, c'est des études qui sont là pour, disons, nous donner les clés de la connaissance. Qu'est-ce qu'on étudie quand on est à Médine? C'est une étude qu'on nous donne, disons, les clés pour être capable par la suite de développer cette connaissance-là en étudiant avec les ulamas et en commençant à suivre les méthodes traditionnelles que les ulamas ont établies pour étudier l'islam. Mais c'est pas les études à l'université qui va faire de toi un alim. Et ça, il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que les gens qui étudient là-bas, quand ils terminent, ça y est, c'est des ulama. Non, pas du tout. Ce sont des tulab ilm. Et avec, au fur et à mesure qu'ils vont développer leur science, peut-être plus tard ils vont arriver à atteindre des niveaux dans l'ilm. Mais disons que, pour commencer, ils sont pas là. On n'est pas là. Donc il faut savoir mettre les gens à leur place. Il ne faut pas élever une personne, laissons les ulama élever les autres. Yani, ce n'est pas à nous, entre nous, de s'élever nous-mêmes les uns les autres. D'accord? Donc, si, comme je dis, retournons aux ulama. Si on a des questions à poser, on pose aux ulama, on retourne aux ulama. Et bien sûr, il y a des questions que les tulab ilm, on a tous étudié des choses de base, disons des choses que tout le monde est supposé savoir. Mais quand même, yani, toujours retourner à l'ilm, l'ulama. Et nous, on est juste, disons, des gens qui essayent, on essaie de faire diffuser une connaissance, de faire circuler la connaissance de l'islam autour de nous, parce que actuellement, c'est l'ignorance qui est diffusée. C'est le jahl, et parfois même le jahl al-murakkab, c'est-à-dire l'ignorance. Il y a un nid double, dans le sens que les gens ont appris des choses fausses, et maintenant, il faut corriger ça. Donc ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'efforts. Et ça, c'est juste un rappel que je voulais vous faire parce que, bon, on sait qu'il y a eu plein d'exemples de gens qui ont dépassé la limite parfois dans ce sujet-là. Donc, on essaie de nous rappeler que on est des débutants. On essaie de commencer à apprendre un peu quelque chose de notre religion. Donc, en premier, étudier l'arabe. Commencer à essayer de faire des efforts pour apprendre votre langue arabe parce que c'est très important. Et puis par la suite, yani, si vous êtes capable d'étudier des choses de base, le Sulu Salata, Kitab al-Tawhid, des choses de base, les hadiths, Arba'un Nawawiya, des choses comme ça, et là vous montez, vous construisez là-dessus, Qur'an, Hifzul Qur'an, ça c'est fondamental, maîtriser le Qur'an, parce que des fois on néglige ça, et en particulier yani, les salafis doivent maîtriser ça plus que les autres. Et ça, des fois, c'est des choses que les gens de Bid'a utilisent contre nous. Parfois, parce qu'ils disent, écoutez, vous les salafis, vous parlez là, mais vous connaissez rien. Vous savez même pas le Coran, vous savez même pas l'arabe. Et puis, vous parlez comme si vous critiquez les ulama, vous critiquez ci, vous critiquez ça. Souvent, on entend cette choubha. Parce qu'ils s'imaginent, eux, que, parce que certains connaissent pas l'arabe, ils peuvent pas comprendre la réalité du manhaj des salafs. D'accord? Non, c'est pas nécessaire que tu peux pas, même si tu connais pas l'arabe parfaitement ou que tu connais pas l'arabe, que tu peux pas savoir la réalité entre la bid'a et la sunna. Ça, c'est pas une excuse. Mais, c'est vrai que, en tant que personne qui représente ou qui essaie de suivre la da'wa salafia, on doit donner l'exemple en ce qui concerne le ilm. Parce que cette da'wa, elle est basée sur le ilm. Donc si t'as pas d'ilm, yani, tu représentes mal. Hein, tu donnes une mauvaise représentation de cette da'wa. Alors il faut faire des efforts pour concentrez-vous sur le Coran, sur les hadiths, hein, sur la langue arabe. Vous commencez avec ça et je vous dis, vous allez être occupé pour passer vos temps libres et le temps qu'on a à gaspiller là. Eh bien, laissez-moi vous dire, vous n'allez pas avoir de temps à gaspiller. On a tellement de choses à apprendre et Annie, on devait même pas avoir du temps à perdre dans des débats et des disputes entre nous, yani. Ça là, c'est fondamental. Hein? Et puis de connaître notre manhaj, hein, et de retourner aux paroles des ulama, ça c'est fondamental également. Donc je vais vous laisser avec ça, comme une nasiha générale. Et puis on continuera, inshallah, demain, bi'ijnillah. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.